Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Dolbo Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Coupe Memorial, qui c'est la centième Coupe Memorial, d'ailleurs, de l'histoire, qui se met en branle en fin de semaine. Les Titans d'Acadie Batters vont représenter le Québec. Il y aura également Hamilton pour l'Ontario. Les Pats d'Origina et les Broncos de Sweet Caroline. On en parle avec notre spécialiste Yves Bolduc. Salut Yves. Salut Danny. Yves, tu te retrouves en Colombie-Britannique. Qu'est-ce que tu fais là? je suis en réunion actuellement avec... la Ligue de hockey junior 3A du Québec. On est en réunion annuelle avec la Ligue canadienne de hockey junior qui regroupe les 10 ligues junior A au Canada et ils ont fait cette année coïncider l'assemblée annuelle avec la tenue du championnat canadien junior A, la Coupe RBC qui a lieu à Chilliwack, okay. Qui est à environ là, 1h15 à l'est de Vancouver. OK. Puis, écoute, le Québec n'était pas représenté. Vous avez perdu là, 2-3 semaines à peu près. Mais n'empêche que vous avez quand même vous y allez pareil, c'est ça? Oui, bien, toutes les ligues doivent de participer à l'Assemblée annuelle. Puis, comme tout bon sportif, lorsqu'on subit la défaite, eh bien, on doit se rallier à l'équipe qui représente la région de l'Est, le Team East, qui est représenté par les Sénateurs d'Ottawa qui avaient battu le Collège français de Longueuil lors de la finale de la Coupe Fred Page, qui est le championnat régional de l'Est. Et les Sénateurs vont très, très bien ici. Ils ont remporté 2 victoires, subi une défaite et une victoire en prolongation. Donc, demain, là, ils vont être en demi-finale contre l'équipe haute, les Chiefs de Chilliwack. OK. Y a-t-il du monde qui va à ce tournoi-là? C'est-tu bon? C'est l'équivalent pour les gens là, de la Coupe Memorial. Là. On est dedans, là, la Coupe Memorial, c'est l'équivalent. Là. C'est l'équivalent pour la Ligue junior A. Cependant, là, je te dirais que les assistances, lorsque la formation de Chilliwack n'est pas impliquée, ça tourne autour de 500 à 750 personnes peut-être dans l'aréna, là, le Prosper Center qui contient 5500 sièges. Par contre, hier soir, lors du dernier match du tournoi préliminaire là, qui impliquait la formation de Chilliwack, il y avait 2700 personnes qui assistaient à la rencontre. Okay. Claude, pas Claude, mais je viens de finir l'entrevue avec Claude Roy. Yves, Jérôme, vas-y. Yves, je veux te parler de... Qu'est-ce que vous parlez dans les réunions? Même là, il y a eu l'histoire des Broncos de Humboldt. C'est encore très frais dans la mémoire. J'imagine que on a su dernièrement que l'équipe va survivre. Il y aura un méga camp d'entraînement pour recruter des joueurs. J'imagine qu'il va y avoir comme un repêcheur d'expansion également. Parce que c'est l'équipe, avec tout ce qui s'est passé, c'est quasiment une équipe d'expansion. Là. C'est tout ça, mais t'as-tu entendu parler d'autres choses qui allaient se passer avec les Broncos de Humboldt? Ben en gros, oui, mais je veux dire, au niveau de la poutine là, de l'organisation pour que l'équipe soit mise sur pied pour débuter la saison en septembre prochain, ça relève vraiment de la Ligue du Manitoba qui va, de la Ligue de Saskatchewan plutôt, qui va prendre ça en main, puis sont déjà bien partis. Nous, ce qu'on discute en réunion, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, parce que souvent, ces événements-là, ben on en parle pendant 3-4 semaines, ben après ça tombe dans l'oubli, puis les gens oublient ça. Mais là, avec toute l'impact que ça a eu, 16 décès, le GoFundMe qui a été qui a dépassé là, selon ce que le président. 15 millions. Ouais, le GoFundMe s'est arrêté à 15 millions, mais le président de la Ligue de Saskatchewan là, nous disait ce matin que l'ensemble des dons qui ont été remis d'une façon ou d'une autre là, envers l'organisation, là, ça monte entre 20 et 25 millions de dollars. Donc là, c'est plus nous de voir de quelle façon on peut les aider. de quelle façon on va honorer les membres de l'équipe qui sont décédés et les survivants également, parce qu'il faut pas oublier ceux-là. Eux, ils restent là, puis ils vont devoir vivre avec ce souvenir-là là, pour le reste de leur jour. Alors, c'est ce qu'on est en train de regarder là au niveau des nominations. Ce matin, on a parlé, entre autres, probablement de la possibilité là, de créer des fonds d'aide et d'honorer du personnel avec les noms des personnes qui ont été disparues également. Probablement que l'an prochain, là, les équipes, les 133 équipes de la Ligue canadienne junior partout au Canada là, vont monter lors de leur match d'ouverture une bannière commémorative des Broncos de Humboldt dans leur aréna. Il y aura également probablement un genre d'écusson qu'ils vont porter sur leur chandail. Alors, c'est ce qu'on est en train d'approuver actuellement dans ces réunions-là. Mais on parle aussi d'autres choses. On parle d'expansion, on parle de commandite, on parle de plusieurs choses qui peuvent nous rassembler, qui peuvent aider les équipes à financièrement s'aider entre elles, entre autres signer des contrats de commandite à l'échelle nationale plutôt que de le faire chacun dans notre petit coin, puis finalement on se retrouve avec peut-être moins que si on y va à 133 équipes. Alors c'est des choses comme ça qu'on discute. OK. Puis c'est là que tu vois pareil, Yves, que Légion 3A comparé à Ligue dans le Canada anglais, vous êtes quasiment parent pauvre, là. Parce que la Ligue Junior A, c'est très fort. En Ontario, au Canada anglais, c'est très fort. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, par contre, au niveau de tout ce qui est à l'ouest de l'Ontario, là, parce qu'il y a une grosse différence. Hein. En Ontario, il y a plusieurs formations juniors majeures, un peu comme au Québec. Là, on a 13 formations à compter de septembre prochain au Québec dans la Ligue Junior A. Mais on doit composer avec 12 formations juniors majeures également, qui, on ne se le cachera pas, là, c'est eux qui ont le plancher, puis c'est eux qui sont la priorité. Donc, nous, on doit vivre avec ça, alors qu'il y a des provinces comme le Manitoba, où ils ont 3 équipes juniors majeures. Eux peuvent vivre facilement avec plusieurs équipes juniors 3A. C'est plus facile, le marché des commanditaires est plus ouvert. Donc, c'est sûr qu'on ne vit pas avec les mêmes commodités, mais on réussit à tirer notre épingle du jeu, puis je te dirais que depuis 4 à 5 ans, là, le Québec fait beaucoup mieux. L'an passé, on a envoyé une équipe à la finale de la Coupe RBC, ce qui n'était pas arrivé depuis une quinzaine d'années. Cette année, le mauvais match du Collège français en finale à la Coupe Fred Page nous a privé d'une deuxième présentation consécutive. Donc, tranquillement, là, tu sais, c'est petit pas par petit pas qu'on fait des choses. Comme on dit, on casse pas d'omelette, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Pourquoi je dis Claude? Excuse-moi, Yves. J'ai de la misère un matin, là. Donc, Yves, si on parlait maintenant du Rocket de Laval qui a nommé hier l'instructeur Joël Bouchard, tu avais prédit Éric Veilleux. Mais moi, écoute, plus le temps passait, plus ça devenait évident que c'était Joël Bouchard qui allait diriger. Il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait rien. C'était clair qu'on attendait la fin des séries de l'Armada. Ouais, ben ça devenait évident de plus en plus depuis la nomination d'Éric Veilleux à la barre du Moses Halifax, mais et plus on y pensait également, connaissant Joël, sachant comment il est vu et il est perçu. C'est un gars qui aime beaucoup contrôler tout ce qu'il fait, donc ça devenait difficile de penser qu'il pourrait être adjoint avec Claude Julien. Je pense qu'il aurait pris trop de place un petit peu, en tout cas. Ouais. Alors, je m'avance un peu là-dessus, là, mais allons-y step by step, comme il dirait, là, puis je pense qu'il a fait une bonne décision de s'en aller comme entraîneur-chef à Laval, où il y aura probablement un petit peu plus de liberté que s'il avait été entraîneur adjoint avec les Canadiens. Maintenant, est-ce que ça assure le succès chez les Rockets de Laval? Moi, je suis pas prêt à vous dire oui, mais ça peut pas être pire que Sylvain Lefebvre. Ça peut pas être pire, sauf qu'il faut qu'il y ait des joueurs qui lui soient donnés pour qu'il puisse être en mesure de les développer. Et là, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est quelques joueurs autonomes qui ont signé dans la Ligue junior majeure du Québec, mais ça prend plus que ça là, pour gagner des championnats dans la Ligue américaine. C'est sûr, mais regarde, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Sylvain Lefebvre, ça fait 6 ans qu'il était à la barre du Rocket, des Bulldogs de Hamilton et des Sea Dogs, pas les Sea Dogs, mais l'équipe de Saint John. À un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses. Oui, mais je pense que l'erreur dans le cas de Sylvain Lefebvre, Danny, c'est que ils l'ont gardé en poste lorsqu'ils ont déménagé la formation de Saint-John à Laval. Je pense qu'ils ont misé sur le fait que c'était un Québécois qui avait déjà évolué pour le Titan de Laval et que peut-être que ça attirait des gens, mais ça n'a pas fonctionné du tout comme tout le reste du plan du Canadien qui n'a pas fonctionné l'an dernier. Là. Mm. Alors, là, on repart sur des chapeaux de roue, mais est-ce que le fait que là, on soit... vraiment tourner sur l'embauche de Québécois à tout prix va faire qu'on va gagner. Moi, je suis pas certain, mais je suis pas d'accord non plus avec cette philosophie-là. C'est très bien d'avoir engagé Joël Bouchard, c'est très bien d'avoir engagé Dominique Ducharme, mais je suis pas certain qu'au prochain repêchage, là, faut prendre des Québécois à tout prix. Si le joueur est meilleur... Tu penses que ça va changer? Moi, je pense que oui. Ben, je pense que oui, mais est-ce que ça va changer pour le mieux? C'est ce que je dis, là. Si on prend... Louis Leblanc, par exemple, qu'ils ont voulu prendre à tout prix parce que le poids du public et des médias était tellement important qu'ils ont sélectionné Louis Leblanc. Non, non. On voit ce que ça a donné aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils doivent y aller avec leurs besoins, leurs meilleurs joueurs, qu'ils soient Québécois, Japonais, Américains, ça n'a pas d'importance, mais il faut qu'ils jouent. Et la pire chose qui pourrait nous arriver en juin prochain, c'est que le Canadien sélectionne au troisième rang un joueur universitaire qui va avoir encore 4-5 ans à faire. Non, ça arrivera pas, là. Ça arrivera pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de la quatrième, tu sais, Serge Savard, dans le temps, rappelle-toi de Serge Savard. Tu sais, c'est encore là pareil. Là, Serge Savard disait, à partir de la deuxième, troisième ronde, il disait à ses recruteurs, faut pas échapper à un talent du Québec. Je pense qu'à partir de la troisième, quatrième ronde, tu es d'accord avec moi que c'est des guesses. Oui, mais tant ça, qu'à guesser, oui, tu dois aussi bien guesser que des joueurs de la Ligue nationale du Québec. C'est ça qu'elle veut dire. Oui, t'as raison, Danny, mais comme je te dis, là, tant qu'à guesser, allons-y avec un joueur du Québec, mais à talent égal. Oh, oui, c'est allons-y ça. Pas pour un Québécois, parce que juste qu'il est Québécois, ça, c'est à ce moment-là, là, ça ne nous donnera rien. Si le meilleur joueur il est dans l'Ouest, allons-y avec le joueur dans l'Ouest, mais s'ils font l'erreur d'y aller juste avec les Québécois pour faire taire les amateurs, le supplice va durer plus longtemps encore. Oui, effectivement. En fin de semaine, début de la Coupe Memorial, ça a lieu à 100e Coupe Memorial. C'est à Regina, les Pats de Regina qui sont les autres. Les Pats qui n'ont pas été depuis le 2 avril, je pense que je disais qu'ils sont éliminés. Est-ce que ça peut jouer? Je me rappelle des Cataractes de Shawinigan qui avaient gagné la Coupe Memorial après. C'est Windsor l'an dernier également qui a gagné après avoir été éliminé. Ouais, c'est presque devenu une mode, même s'il faut pas que ça en soit une, là, mais je te dirais que ça dépend de la préparation, de ce que les entraîneurs, l'équipe d'entraîneurs de ces formations-là font. À date, ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont bien travaillé. Dans le temps d'Éric Veilleux, il avait préparé son équipe tempérament, c'est-à-dire qu'il avait dosé ses entraînements, il avait tenté de pas mettre ses gars overreact, comme on dit, là, je trouve pas le terme en français, là, mais pour pas que les joueurs arrivent au tournoi de la Coupe Memorial là, avec plus de gaz dans le réservoir. C'est arrivé la même chose avec Windsor l'an dernier. Alors, est-ce que ça sera un facteur? Je ne crois pas. En plus, ça se trouve à être le club hôte, encore une fois. Ça fait trois fois là, que c'est le club hôte qui vit cette situation-là. Alors, moi, je pense pas. En tout cas, on va avoir une bonne idée ce soir là, dans leur premier match contre les Bulldogs d'Hamilton, mais je pense qu'ils vont être prêts. L'organisation a mis le paquet également pour les encadrer. Ils ont mis le paquet un peu partout. D'ailleurs, hier soir, des gens ici là, nous disaient qu'il y a le spectacle d'ouverture du tournoi de la Coupe Memorial, là, c'était les Eagles. Donc, c'était pas, ils sont pas allés avec la petite chanteuse du coin là. Donc, je pense que à ce niveau-là, oui, ils vont être prêts. Puis, ça me donne pas vraiment d'inquiétude parce que c'est quand même un tournoi d'une semaine. Donc, c'est plus facile de regrouper des joueurs sur une semaine. Certainement que, écoute, c'est normal un peu. La première ou deuxième période, ils vont avoir ils sont pas en situation de match, on dirait ce qu'on voudra, là. On l'a vu avec Las Vegas, c'est que ça a fait lors du premier match contre Winnipeg. Donc, certainement que la première ou deuxième période, ça peut jouer contre, c'est clair. Moi, je te dirais plus le premier 10 minutes parce que les autres formations, là, se sont quand même classées au niveau, il y a une semaine déjà. Ils ont voyagé, donc eux, ils n'ont pas à faire ça. Ils dorment dans leur lit, ils sont chez eux dans leurs affaires. Donc, c'est peut-être le premier 10 minutes là, au niveau du momentum du match, là, mais plus ça va avancer, là, plus ils vont rentrer dans le momentum. Puis ça devrait, ils devraient normalement être capables de compétitionner avec les trois autres formations. Là. OK. Comment tu vois le Titan d'Acadie Batters de se débrouiller là-dedans? Ben, je te dirais que le Titan de l'Acadie Batters, là, malgré qu'il n'y a pas grand gens que, en tout cas, j'ai pas lu ça souvent, là, qu'il, ouais. qui pouvait être une équipe favorite, là. Moi, je les vois parmi une des deux équipes favorites pour remporter le tournoi. Okay. Parce que ils ont une très bonne brigade défensive. Offensivement, ils sont pas mauvais également. Le capitaine Geoffrey Viel-Truchon qui est en mission. Le trio d'Antoine Morin également a bien produit. Le gardien de but Evan Fitzpatrick là, a fait mal paraître Jocelyn Thibault dans les séries éliminatoires là, en remportant la Coupe du Président. Il s'est été complètement transformé, ce gardien de but-là, au moment où il s'est amené avec l'assistant de la Caddy Batters du Phoenix de Sherbrooke. Mm. Donc, moi, je pense que oui, on peut les voir comme une équipe qui peut aspirer à remporter la Coupe Memorial. Puis, la personne la plus sous-estimée, je pense, au niveau de cette organisation-là, c'est l'entraîneur Mario Pouliot, qui est un des quatre seuls à avoir remporté le championnat de la Ligue Midget 3 et le championnat de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que Routsoff joue un peu mieux, là? Hein? Ben, il joue un peu mieux. Je veux dire, on l'a vu un petit peu plus, effectivement, dans la finale. Mais de là à dire est-ce qu'il joue mieux, est-ce que c'est plus qu'il a mieux paru parce que son équipe a été vraiment extraordinaire contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, on a vu que ils ont été capables d'être en contrôle malgré tout ce qui pouvait se passer. Il y a eu plusieurs appels d'arbitres qui ont fait jaser dans cette série-là, mais ils sont toujours bien placés. Alors, est-ce que oui, il a bien paru ou tout simplement il a suivi le groupe? Bon, peu importe la raison, je suis certain que Mario Pouliot est très heureux de l'avoir dans son alignement. Puis si jamais il éclatait à la Coupe Memorial, ben tant mieux pour l'organisation du Titan. Mais ce qui est malheureux, c'est ce qu'on entend actuellement, là, puis eux ne l'entendent pas, là, heureusement, parce qu'ils sont à Regina, mais ce qu'on entend, c'est que cette équipe-là va être complètement décimée après le tournoi de la Coupe Memorial. C'était ma prochaine question, justement. Semble-t-il que c'est très gros, hein? Les Saguenayens vont recevoir plusieurs joueurs des Saguenayens, Galipo et Routsoff. Puis Aaron Close, j'écoutais Marc Diquet de Radio X Saguenay qui disait cette semaine qu'Aaron Close, que s'il se rendait à la Coupe Memorial, ce serait encore plus gros. Moi, je m'attends à ce que ça soit très gros. Est-ce qu'il y a une loi d'option, non? J'ai entendu des noms et quel nom t'as je veux entendu? Pas ma politique, Danny, là-dessus, c'est que tant que les joueurs jouent, j'aime pas nommer de nom là, parce que je veux pas que ça se rende aux mauvaises oreilles, puis je veux pas déranger ces joueurs-là non plus. Puis moi, je m'attends à ce qu'il y ait de au moins un à deux gros noms qui s'amènent avec les Saguenayens. Okay. Dans le cas de l'Acadie Batters, ben s'il y a trois joueurs qui s'en vont avec les Saguenayens, il va en avoir également deux ou trois qui s'en vont avec les Mousses d'Halifax, de Paris, ce que j'ai entendu. Et faut pas oublier qu'ils n'ont pas de choix de repêchage jusqu'en 2020-21. Est-ce qu'il y a des choix qui retournent dans ces transactions-là? J'espère pour eux, parce que sinon, je pense qu'on va falloir considérer un déménagement de cette formation-là. C'est justement, puis ils se sont peut-être vidés parce qu'ils ont dit on y va all-in, puis après ça, parce que Batters, c'est pas d'hier qu'on entend parler que la concession va mal, puis on a dit on va se rendre jusqu'au bout, puis par la suite, on va voir ce que ça va donner. C'est probablement ça qui est arrivé. Mais ça me fait penser à l'année des cataractes de Shawinigan, justement, avec des cataractes qui ont été 2-3 ans après avoir remporté la Coupe Memorial, qui ont crotté sec. Ça a pris l'année de Samuel Girard. Allez, en terminant, Yves, je veux te parler des joueurs qui appartiennent aux Canadiens. William Betton, qui est un centre ailier droit, ça c'est un choix de troisième ronde. Lui, on dit que c'est un Brendan Gallagher, donc ça, les gens, il faut qu'ils surveillent. Il joue pour les Bulldogs d'Hamilton. Et également, Cale Fleury, qui est un choix également du Canadien, qui est un défenseur également, qui a joué avec les Pats d'Origina. On dit que c'est un choix intéressant. Lui, si je ne me trompe pas, c'est un choix de troisième ronde l'an passé. Donc, j'invite les gens peut-être à voir ça. Yves, bon voyage à BC. On se reparle. Ben oui. On se reparle. On va être de retour demain. On va être de retour demain au Québec. OK. On se reparle vendredi prochain pour la Coupe Memorial encore. Puis nous, on va arrêter ça après le repêchage à la Ligue Junior du Québec. Il n'y a pas de problème, Nan. OK. Yves Bolduc, notre collaborateur qui est extrait en Colombie-Britannique.